On en vient maintenant aux nominés de la catégorie meilleur groupe africain de l'année. C'est parti. Quartier latin, DRC. Anti-Parlu, Côte d'Ivoire. Synergie, Nigeria. Penny Penny and Joe Shiromani, South Africa. Abutu Roots, Côte d'Ivoire. G7, Congo. Here to present the best African group are Getty Gizal and Teboho Matina. Lumela Mavrika. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, Mother Africa gathers her children at the very place where humanity made its first step when we conquered and tamed this world. Again, here we are, we're hitting the sound of the African drum as we honor those that give us meaning through their music. Brothers and sisters, Kaya FM welcomes you to South Africa, Johannesburg. And to present the awards, beautiful lady with me, Getty. Thank you, Matima. Thank you. The winners are, you ready? You open. Are you sure? You got the secret. It's a tie. Quartier Latin. From the DRC. And Anti Pulo. From Côte d'Ivoire. We got a tie, ladies and gentlemen. Quad Latin from the DRC with Mr. Kofi Olomide in tow. I'm sorry, my English is very poor. I want to dedicate this chora for my country, DRC, Congo. Thank you very much. And from Côte d'Ivoire, Anti Pulo. Merci. Je salue toute la Côte d'Ivoire et je tiens la tête haute. On est en train de nous demander ce qui nous arrivait. Que la paix revienne dans notre pays. C'est un pays qui est debout. Merci pour Antipalu. Ils ne sont pas là, je prends pour eux. Merci bien. Bravo donc Antipalu. Je vais vous demander une minute parce que je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur. Ce chora, pour lequel je remercie infiniment les membres du jury des Chora Awards, je voudrais le dédier à mes frères, mes sœurs du Bénin qui ont perdu leur vie avant mon concert au stade de l'amitié de Cotonou. Chaque jour de ma vie, je pense à ces personnes et contrairement à ce que d'aucuns ont pu se croire, je suis un artiste qui serait en deuil tout le reste de ma carrière. Que leurs âmes reposent en paix et ce chora du quartier latin et pour ses amis du Bénin. Merci à vous. Thank you very much. I love you.